Mickaël à la radio, le replay. Et puis là, nous avons avec nous pour faire cette déclaration express, c'est Raph qui est avec nous. Salut Raph. Bonjour à tous. Comment vas-tu Raph? Tu as quel âge? Dans quelle ville Raph? 23 ans, de Charleroi. De Charleroi, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi, sois le bienvenu. Alors Raph, ah, petit... Je vous suis tout le temps, Oh bah c'est gentil Raph, ça fait plaisir. Bon, alors Raph... Ah bah, je suis fan de vous. Voilà, en fait, si vous voulez, je suis sorti en boîte. Ouais. Et bon ben, j'ai rencontré une fille, quoi, j'ai fricoté un peu avec elle. D'accord. Mais bon, pour finir à la fin, bon moi je suis pas quelqu'un qui va foncer directement sur elle, quoi, hein. Et pour finir, mes amis m'ont dit à la fin que c'était pas une fille, ce serait un mec. Donc, Ah, tu serais donc tombé sur un trave. Voilà, c'est ça, quoi. Mais bon, on verra bien. Ce sont des quoi. Choses qui peuvent arriver. Oui, bah c'est ça. Non, oui. Bah, en même temps, c'est peut-être les mecs. Ça se trouve, la fille que t'as vue, elle est super jolie. Et les mecs sont tellement rageurs qu'elle soit allée vers toi qu'ils disent « Ouais, mais de toute façon, c'est un trave. » Ça se trouve, c'est une vraie meuf. Ouais, c'est vrai, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça, on sait jamais. Bon, bah écoute, c'est pas compliqué. On va l'appeler en direct. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sonia. Sonia, bon. Et lui, il s'appelle comment? Sonia, bon, on m'a dit qu'il pouvait s'appeler Julien, donc je ne sais pas. D'accord. Bon, on l'appelle. Ah, c'est occupé, donc déjà, on va recommencer, hein. Hop là, une seconde que je dégage. Voilà. Alors, on va la rappeler, t'inquiète. T'es toujours là, hein? Oui, bien sûr, donc, on va la rappeler. Alors dès que tu tombes sur elle ou sur son répondeur, en espérant que ce soit sur elle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, écoute. Et puis nous on enchaîne derrière, d'accord? Ok, merci. Bon allez, c'est parti, on rappelle. Ça ne sonne pas malheureusement, c'est bien dommage. Ah si. Hello Bella. Oui, oui, allô. En pleine forme. Allô. Allô, allô. Oui. Oui, oui, c'est bien Sonia? Comment? Je ne m'entends pas. Oui, est-ce que c'est bien Sonia? Oui. Oui, écoute, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Je pense que les gars peuvent avoir raison. Oui, t'écoute. Ouais. Allô? Quand je t'ai vu en boîte, il faisait noir. Normal, c'était la nuit. Toutes tes strass, tes yeux noirs, t'étais vraiment trop sexy. J'ai parlé avec toi et ta voix m'a fait vraiment réfléchir. C'est la première fois qu'une autre femme parlait comme un mandali. Cette petite déclaration express, Raph, t'es toujours là? Oui, oui, c'est moi le travesti. Non, Sonia, c'est non, juste. Non, on n'aurait pas osé, oh là là. Non, Sonia, c'est juste que Raph, apparemment, t'a rencontré et des amis à lui lui ont dit que tu aurais le service 3 pièces. Et voilà. Bah oui, et alors? Ah non, mais y'a pas de mal, hein, c'est juste que je pose la question. Y'a pas de malaise, hein, t'inquiète. Bah, hein. Rappelle, mais ça touche, il y a des trois pièces que je rappelle, hein. Ah ben bah, Raph, pourquoi tu dis oui, mes amis m'auraient dit que je ne sais pas, je vais me renseigner alors que tu aurais touché le service 3 pièces? Bah parce que moi j'en ai un, mais normalement lui c'était censé être une fille. Oui, mais apparemment, ça ne te déplaît pas tant que ça, vu ouais, que tu lui aurais touché son service 3 pièces à elle, enfin à lui, enfin. Bah, c'est... Oui, c'est madame monsieur, quoi. Très bien. Attendez, à la fois, parce qu'on comprend rien. Sonia, tu disais. Je comprends pas très bien l'histoire de la question, là, donc. Non, c'est pas ça, il voulait. Nous, on l'a bien compris. C'était pour te poser une question en chanson, et donc c'est fait, donc là, il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vous propose, Sonia et Raph, c'est de rester hors antenne, comme ça, vous discuterez hein, de votre service 3 pièces. Tout ça, ça peut être pas mal. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Je travaille moi donc, numéro. Il n'y a pas de problème, ben, rappelez-vous à un autre moment quand elle aura un peu plus de temps. Quand ils auront un peu plus de temps. Voilà, tout simplement. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire un tour du côté de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, vous le savez maintenant, chaque matin on vous diffuse les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0-473-86-00-13. Et donc bah, c'est les messages qui ont été laissés grâce à vous au final, parce que c'est vous qui vous êtes fait emmerder, les filles ou même les mecs d'ailleurs, par des relous, et à la place de leur donner votre numéro de téléphone, eh bien vous avez décidé de leur donner notre numéro. Ce qui fait que quand ils vont appeler sur le répondeur, évidemment, ils vont croire que c'est le vôtre. Sauf que c'est le nôtre, et bon, laissez des messages comme si c'était vous, comme par exemple celui-là. Coucou Sabine, j'espère que tu vas bien, moi, je vais très bien, j'espère que tu as bien dormi, moi aussi. Dis, rendez-vous ce jour à 14h30 devant le McDonald's. Rendez-vous à 14h30 devant le McDonald's. C'est Christophe, tu peux m'envoyer un petit SMS. Bisous, ça nous fait bien grand plaisir d'avoir un petit SMS de ta part. Bisous, à tantôt et bonne journée. On dirait qu'il a la guerre. Rendez-vous à 14h30 devant le McDonald's. Je répète, rendez-vous à 14h30 devant le McDonald's. Les carottes sont cuites. C'est ça. Non, mais ce qui est drôle, c'est que apparemment, ça fout la poisse hein, de se donner rendez-vous, d'avoir un rencard devant le McDo ou devant le Quick. Puisque ouais, à chaque fois, c'est sur la ligne anti-relou que ça finit. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui tourne. Grave. Bon, deuxième message sur la ligne anti-relou ce matin. Coucou, c'est Christophe. J'espère que t'as bien reçu mon message. Écoute, allez, tantôt, 2h30, du vol McDonald's. Encore. Ah, voilà, c'est le même. C'est le vol même, ouais. Bon, allez, suivant. Salut Sabine, comment vas-tu? C'est Christophe. Encore. Pour 14h30, devant le McDonald's, place Vert-Girou. C'est ce qui avait été convenu hier, 14h30, c'est devant le McDonald's. Oh non, mais le gars, il n'a pas compris. C'est eh bien, super triste, quoi. Il y aura d'autres messages tout à l'heure. Aurons-nous la suite de l'histoire de notre ami Christophe? Devant le McDonald's. Ryan et Boissure. McDonald's. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Les Ch'tis à Ibiza, donc, avec... Comment qu'on pourrait les définir? Oh, un groupe d'abrutis sortis tout droit d'un vivier très bien connu des casteurs, le nord de la France. C'est ça, effectivement. Et est-ce que vous avez déjà été chez le coiffeur dans un pays où il parle anglais? Bah ouais, ouais, pourquoi? Et tu as demandé quoi? Bah, haircut. Haircut. Eh bien, Christopher, il a sa propre méthode quand il va chez le coiffeur dans un pays étranger. For you, baby. You have not gay. They want my hair. I can... Je vais mettre en l'air, quoi, toi. Ah d'accord. Ah bah écoute. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Bon, tout ça pour en arriver à ça. Je vais mettre en l'air. Ouais, je vais mettre en l'air. Hein. Bon alors, je suis sûr que vous vous demandez ce qu'il fait comme métier, ce Christopher justement. Eh bien, nous avons enfin cette réponse. Moi, son nom c'est Butch. Je suis en fait Google Butch et je donne l'ambiance et tout. J'embarque la piste. J'embarque la piste. Eh oui, il est Go-Go Punch. Oui, il met l'ambiance, il embarque la piste. Mais il embarque la piste, effectivement, ouais, oui. Voilà un vrai métier. Exactement. Ouais. Bon, on va rester avec Christopher, là, qui a des pratiques assez particulières, somme toute. On a marché à côté d'une plage, et il y avait un sort de trou, c'est de la boue qu'on mettait sur le corps. Ma femme, elle est esthéticienne, elle m'a dit en parler et tout, que c'est vraiment bien pour la peau et tout, alors je voulais vraiment profiter de la nature, de me mettre sur mon corps, quoi. Ah oui, bah oui, il a bien raison. Elle m'a déjà en parlé, oui. Ouais, mais c'est ça qui te choque le plus. C'est pas que le mec il croise une flaque de boue, il se roule dedans, ça te choque pas, ça. Bah écoute, rien ne me choque. Mais oui, mais comme sa copine elle est esthéticienne, bon, il sait ce qu'il fait. Il a déjà dit que c'était bien la nature, tout ça. Bah ouais, mais c'est ça, voilà. Bien sûr, je roule dans la boue. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais non, bon, et j'en parle un petit son là. Quand quelqu'un est extravagant avec des bijoux, un peu tape à l'œil, là, on peut dire qu'il est. Je sais pas moi, bling bling, un truc comme ça. Mais non, Tof, ça s'est dépassé là. Maintenant, il faut dire. Et là, quand on arrive et tout, avec son petit polo, la beau gosse et tout, petite clinette et tout, un peu des blink. Bling blink, avec un K maintenant. C'est, on bling, a... bling. C'est la nouvelle méthode, on enlève le G, on met un K. Voilà, c'est le bling blink, tout simplement. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez bien écouté. Hein. Le bling blink, maintenant, c'est pour être au top de la mode. Ouais. Bah, il est vraiment temps qu'ils arrivent chez nous quand même. Hein. Ah oui, oui. Oh, ouais, mais non, ça en image. Ils sont tellement balèzes. Ça, c'est sûr. Bon, le mec qui a fait le casting, là, je pense que. Putain, ah, c'est du lourd, c'est du lourd. Ah, non, il doit être fier de lui. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et nous avons donc Sébastien Loeb qui est encore avec nous. Sébastien Loeb qui fait la déclaration express à 8h20, qui est là pour réveiller la Belgique. Allô Loeb. Allô. Oui, tu m'entends? Ouais, c'est pas mal. Bon, très bien. Nous aussi, ça tombe très bien. Alors, à 7h39, tu te trouves où pour un petit réveil de la Belgique? Alors, je suis à Forêt. Je ne sais pas vraiment exactement le nom du quartier, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un très, très, très, très gros bâtiment, un très gros des appartements, en fait. Donc, très bien. Des petits magasins en dessous, des parkings. Et tout c'est ça. Parfait. Donc, il faut que tu te mettes entre les deux bâtiments, là, et hurler, bien sûr, ça réveillera du monde. N'oublie pas, 104.7, c'est la fréquence de Fun à Bruxelles. Et il faudra qu'on fasse à l'occasion aussi à l'école qu'on n'a pas encore faite à côté de la radio. Hein. Oui. Prochainement, on ira faire ça. Ouais. Avec l'aube habillé en lapin, ce sera parfait. Bon, allez, on y va. L'aube, à toi. C'est parti pour réveiller la Belgique. Hein, tous ceux qui sont encore en train de dormir dans le bâtiment, là. Justement, je risque de fermer ma fenêtre après parce que, comme il y a plein de balcons, je risque de ramasser des trucs sur ma voiture et j'ai pas envie de tourner dedans. Non, mais c'est rien. Voilà. Imagine les mecs qui vont lui balancer des télés et tout. Ramène-les. Le problème avec le bâtiment, c'est qu'on n'a pas de réaction immédiate. Mais ah ouais, effectivement, non. Il y a des gens qui se sont réveillés, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal. Mais ça m'a donné une autre idée. En fait, il faudrait voir éventuellement s'il n'y a pas un glacier qui nous écoute là et qui pourrait éventuellement venir un matin. Et on pourrait enregistrer un petit truc comme ça, Mickaël réveille la Belgique avec la sirène et il tournerait dans toute la ville. Ah bah oui. Avec sa petite, avec son petit truc. Ah ça peut être pas mal ça. Il faut qu'on appelle notre ami Lani. Ah bah ouais, tiens, on va essayer de l'appeler, tiens. Si vous êtes une petite camionnette de glace et que vous voulez, bah là maintenant vous êtes en congé là, c'est fini. Camionnette de glace, c'est tendu. Enfin ils ont encore tourné la semaine dernière. Ouais bah c'est, ouais mais il faisait chaud la semaine dernière. Maintenant c'est fini je pense. Bon ben on va voir en tout cas. Si vous êtes une petite camionnette de glace, dites-le nous. 3044 par SMS. Bon Lob, tu peux revenir à la maison là. Ok, ça va, j'arrive à te suivre. Très bien. N'oublie pas de revenir avec les pains au chocolat, Lob. Hein. Oui, on passe par la boulangerie. Ah, il y a une femme d'ouvrage en plus qui se dit mais qu'est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce que c'est que ce con hein, qui va réveiller tout le monde là. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce con là. Et si jamais Sébastien Lob vient de vous réveiller, que vous êtes dans le bâtiment là, à Bruxelles, à Forêt pour être précis, envoyez-nous un petit message hein, pour l'insulter, on transmettra bien sûr. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio.